Et foules, magnans, roueurs, parieux caméléons font rage. Ils vont, montrant un sénat d'automates. Ils ont pris de la paille au fond des casemates pour empailler ton aigle, ô vainqueur d'Iéna. Il est là, mort, gisant, lui qui si haut plana. Et du champ de bataille, il tombe au champ de foire. Sire, de ton vieux trône, il recouse la moire. Ayant dévalisé la France au coin d'un bois, ils ont, à leur haillon, du sang, comme tu vois. Et dans son bénitier, Cibourg lave leur linge. Toi, lion, tu les suis. Leur maître, c'est le singe. Ton nom leur sert de lit, Napoléon Ier. On voit sur Austerlitz un peu de leur fumier. Ta gloire est un gros vin dont leur honte se grise. Cartouche, essaie et mets ta redingote grise. On quête des liards dans le petit chapeau. Pour tapis sur la table, ils ont mis ton drapeau. À cette table immonde où le grec devient riche, avec le paysan, on boit, on joue, on triche. Tu te mêles, compère, à ce tripot hardi, et ta main, qui tenait l'étendard de l'Audi, cette main qui portait la foudre, ô Bonaparte, aide à piper les dés et fait sauter la carte. Ils te forcent à boire avec eux, et Carlier pousse amicalement d'un coup de familier votre majesté, sire, et piétri dans son antre vous tutoie, et Maupas vous tape sur le ventre. Faussaires, meurtriers, escrocs, forbans, voleurs, ils savent qu'ils auront, comme toi, des malheurs. Leur soif, en attendant, vide la coupe pleine, à ta santé. Poissy trinque avec Sainte-Hélène. Regarde, bal, sabbat, fête matin et soir, la foule au bruit qu'ils font, se culbute pour voir. Debout sur le tréteau qu'assiège une cohue, qui rit, baille, applaudit, tempête, siffle, hue, entouré de pasquins, agitant leurs crolots. Commencer par Homère, et finir par Callot. Épopée, épopée, oh quel dernier chapitre! Entre Trelon, Payas et chez Destange Pitre, devant cette baraque, abjecte et vil bazar, où Mandrin mal lavé se déguise en César, riant, l'affreux bandit, dans sa moustache épaisse, toi, spectre impérial, tu bats la grosse caisse.